Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 28 mars 2016 et si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. Des femmes fondues au noir, tel est l'intitulé de notre série de la semaine. La spécialiste des polars, Hélène Amalric, sera avec nous jusqu'à vendredi, jusqu'à donc l'ouverture du festival Quai du Polar à Lyon. En deuxième partie aujourd'hui, je serai avec un autre fondu des romans policiers, le journaliste Alain Léautier, qui coordonne un hors-série spécial polar dans le monde pour Marianne. L'heure du crime a sonné, puisqu'il fait encore nuit dehors, c'est parti. What's the matter? Mr. Slade came here the night of the other murder. Don't you remember what happened? And all he had with him was a little black bag. Des femmes fondues au noir. Par Hélène Amalric, qui a consacré toute sa vie, on peut le dire, bonjour. Bonjour. On peut le dire que depuis 40 ans, vous avez écrit, édité, commenté, analysé, traduit aussi des polars. Merci d'être avec nous toute cette semaine. D'abord, une question avant d'attaquer le premier épisode. Pourquoi cet amour pour le polar ? Alors, mon amour pour le polar, c'est un amour pour la littérature de genre, que j'ai toujours eu. Quand j'étais enfant, c'était Jules Verne, c'est la littérature d'aventure, ensuite le western, et le polar, le roman policier, le roman criminel, sous toutes ses formes. Ensuite, pourquoi ? Ça, c'est en grandissant qu'on le sait ou qu'on essaye de deviner pourquoi. Parce qu'il a, et je pense que ça c'est la littérature de genre, le polar, le roman criminel a à voir avec les pulsions basiques des humains. Qu'est-ce qui pousse au crime ? Le crime est omniprésent dans la vie. Le crime et la violence dans l'histoire de l'humanité, dans la vie, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la violence psychologique ou la violence physique. Et il a aussi tout à voir avec la société. Pourquoi est-on violent ? Est-ce que c'est pour se rebeller contre la société ? Qu'est-ce que c'est que la société ? Et puis évidemment, aussi au final et en grande partie, quelle est la place de la femme dans cet univers ? D'où le premier épisode de cette série, Omniprésence des femmes dans le polar, pour en finir avec les idées reçues. Parce qu'effectivement, quand j'avais proposé toute une série sur le polar écrit par les femmes, tout le monde a levé les yeux au ciel en disant « Mais c'est un marronnier, on en a déjà parlé plusieurs fois. » Mais est-ce que on a tout dit ? Tout probablement pas. Et puis de toute façon, c'est comme d'ailleurs le genre policier, criminel, c'est un genre en évolution constante. Donc c'est toujours ça vaut toujours le coup d'en parler. Il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est un marronnier ? C'est vrai, mais en fait, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que ça m'agace à partir d'une certaine époque en France. C'est devenu un marronnier. C'est-à-dire, les femmes auteurs de polar, c'est nouveau, sous-entendu, comme c'est extraordinaire. alors que les femmes ont toujours écrit du polar, qu'elles soient françaises, anglaises, américaines, on considère que la première femme auteure de romans policiers est une américaine, Anna Catherine Green, en 1878, si je me souviens bien. C'est véritablement, je pense que les femmes, C'est né directement du roman gothique. Le roman policier, il est né du roman gothique, dans lequel les femmes se sont illustrées, que ce soit Anne Radcliffe ou Mary Shelley, hein, avec Frankenstein, quand même. Donc, quand le roman policier, entre guillemets, est apparu, que ce soit avec Poe, on a toujours en tête Dickens ou Wilkie Collins, mais on oublie qu'à la même époque, les femmes écrivaient aussi des romans policiers avec beaucoup de succès. On a à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on a la baronne Orczy, qui est l'auteur du Mouron Rouge, qui a été archi connu à cause du Mouron Rouge, mais qui a écrit les aventures de Lady Molly de Scotland Yard en début du siècle. On a un auteur comme Mary Bellock Lowndes qui publie en 1914 The Lodger, qui est le premier roman qui se passe à Londres et qui met en scène un tueur en série, très inspiré de Jack l'Éventreur, qui sera adapté par Hitchcock dans ses années anglaises, donc qui est un des grands. Donc les femmes ont toujours écrit du polar chez les Françaises. Bon, on en parlera vendredi, plus longuement vendredi. Mais on dira un mot. Elles sont là aussi. Elles sont là aussi. Bien sûr. Dès l'apparition de collections véritablement policières en France, ce qui en France va se faire plus tard. C'est-à-dire que la première collection policière française, c'est Le Masque en 1927, et qui va tout de suite publier des femmes. Entre des années 30 aux années 90, vous avez à peu près une cinquantaine d'auteurs femmes, et pour certaines très connues, avec énormément de succès. Des noms oubliés aujourd'hui, Catherine Harlay, Hélène de Monaghan, Laurence Auriol, qui est le pseudonyme de Noël Loriot, qui par ailleurs écrira des romans comme Thérèse Imbert ou Un cri, adapté au cinéma, mais qui sous le pseudonyme de Laurence Auriol écrit des romans assez cruels, un peu simenoniens, et elle a énormément de succès. Elle dirige même la collection Sueur froide au début des années 80. Donc, bon, alors c'est vrai que, en fait, je pense que cette espèce d'idée que c'est récent et que les femmes auteurs de polar sont récentes, elle est née du fait que, à partir des années 85-95, de cette décennie-là, le polar a tout envahi, en fait. Moi, il se trouve que moi, je suis rentré aux éditions du Masque en 1983, à la fin de l'année 83. Donc je connaissais déjà très bien le polar, c'est pour ça que je me suis retrouvé embauché par le directeur du Masque. Mais je me suis à ce moment-là retrouvé dans le milieu du polar, le milieu non pas des festivals, mais du festival, parce qu'il n'y en avait qu'un à l'époque, c'était le festival de Reims. Et à cette époque-là, vous rentriez dans une librairie. Alors, le polar, c'était de la sous-littérature. Bon, à part quelques critiques, comme Raphaël Sorin ou des gens comme ça. C'était d'ailleurs moi-même, hein, j'avais 25 ans, et mes parents trouvaient que faire du polar, être éditeur c'était bien, mais du polar c'était pas bien, enfin c'était pas sérieux. Et personne ne considérait, la littérature policière était encore considérée comme une sous-littérature. Et Parce que trop populaire ? C'est un mélange de beaucoup de choses, oui, à la fois parce que c'était populaire, même si justement elle commençait à ne plus l'être. Si le terme de populaire signifie les ventes, justement les années 80... C'était la vague creuse. Ouais. C'est à ce moment-là que les collections, qui avaient régné, hein, que ce soit La Série Noire, Le Masque, Le Fleuve Noir, en France, ont eu un gros creux, et que ce sont les auteurs qui ont remplacé les collections. Mais à cette époque-là, vous rentriez dans une librairie, une grande librairie, hein, que ce soit une librairie de province ou même la FNAC, le policier était relégué avec les poches, il était sur les tables au fond. Il fallait vraiment y aller. Aujourd'hui, vous rentrez dans une librairie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les polars. Les polars sont d'abord, ils sont partout. Et je veux dire, même dans la littérature. Et ils sont devant. Alors, c'est un genre toujours extrêmement populaire. Mais plus de la même façon. On l'étudie, on est habitué à l'étudier. La Preuve. Ouais, et puis, lui consacrer des séries sur France Culture. C'est-à-dire que le genre a gagné ses lettres de noblesse. Il a gagné ses lettres de noblesse. Bah, depuis quelques années déjà. Ça aussi, c'est pas très nouveau. C'est pas très nouveau, non, mais c'est quand même, c'est vrai, ça remonte à quoi, 25-30 ans. Voilà. Et là, on dit grâce aux femmes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Amalric? Alors, est-ce que là aussi, on est allé très vite dans le résumé de ce genre qui renaît de ses cendres grâce à des femmes qui, cette fois-ci, pour parler très concrètement, vont imposer une vision féminine de la société à travers leurs écrits? Je pense que c'est concomitant avec l'évolution de la place de la femme dans la société. Effectivement, vous avez des auteurs comme Ruth Rendell ou P.D. James dans une moindre mesure, mais par exemple P.D. James a quand même créé en 72, a été la première à créer une détective privée femme. Tout ça, ça vient de... La place de la femme change dans la société, et en plus la conscience qu'elles ont elles-mêmes, bon, il y a les grandes luttes féministes, et la conscience qu'elles ont elles-mêmes de leur place dans la société. Et le polar, et ça, bon, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'aimais le polar, c'est aussi ça, parce que pour moi, le polar, c'est un témoin de la société à un moment donné. Et effectivement, quand on regarde, alors là, homme ou femme, quand on regarde les diverses décennies, on voit les changements de la société. Alors, pour terminer, puisqu'on a commencé à parler de l'omniprésence des femmes dès le début du polar, dès le début du genre, est-ce qu'on peut dire qu'au début, c'est-à-dire jusqu'aux années 30, hein, les belles années d'Agatha Christie, les reines du crime, comme on disait à l'époque, est-ce qu'on peut dire que la différence, c'est qu'à l'époque, les femmes, quand elles écrivaient des polars, c'était à la manière des auteurs de polar, et que là, avec le renouveau du polar qui est arrivé à la fin des années 80, c'était un polar où les revendications des luttes des féministes ou de la position d'une femme dans la société sont plus marquées. Oui, c'est plus marqué parce que c'est plus conscient chez les femmes qui écrivent, parce qu'elles ont des auteurs, bon, pour ne parler que des Françaises, des auteurs comme Maud Tabachnik ou Andrea Japp, ont parfaitement conscience de ce qu'elles écrivent et de ce qu'elles veulent écrire. Dans les années... les femmes, alors évidemment, le règne du roman d'énigmes, bon, vous dites les années 20, les années 30, Christie, bien sûr, mais on a dans les années 40, 50... Les auteurs femmes anglaises, américaines, françaises, parce que c'est vrai que c'est, si on regarde l'histoire du polar, ce sont les trois grandes nationalités à avoir écrit dans ces années-là. Elles mettent en scène des femmes. Miss Marple, bien sûr. Oui, après Miss Marple, non, mais je pense à des ou Lord Peter Wimsey, de Dorothy Sayers. Mais si vous passez, on passe aux années 30, 40 et même 50, des auteurs comme Vera Caspary, qui a écrit Laura. Mais elles mettent en scène des femmes. Mais des femmes qui sont encore complètement, je dirais, on parlera du suspense. Mais qu'elles sont des femmes qui sont dans leur milieu. Or, comme c'est un milieu extrêmement dans lequel elles sont corsetées, enfermées, ben forcément ça se répercute sur le type de roman qu'elles écrivent. Et c'est une fois qu'elles vont se libérer petit à petit qu'elles vont partir dans d'autres directions et d'autres sur d'autres sujets. Hélène Amalric, on se retrouve demain, et demain on va parler du suspense, du roman de suspense, et là vous dites c'est un genre de femme là. Disons que c'est un genre qui a, oui, que les femmes ont beaucoup pratiqué, entre guillemets. Merci beaucoup, à demain. Merci. Miss Langley. How do you do? This is Sir Edward Willoughby, the Commissioner of Police. Yes, I've just been to the palace about the Ripper murders. Mother. The night after tomorrow. Oh, c'est chic, ah, c'est chic, ah, c'est sûr que chic. In a sunshine net we can try to get what in England you call chic. Tin-ca-tin, tin-ca-tin is our typical French refrain. Good enough pour moi. Un autre jour est possible. Yes, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité ce matin, Alain Léautier, bonjour. Bonjour. Journaliste à Marianne, quand vous n'écrivez pas sur la politique internationale, eh ben, vous nous parlez des polars, votre passion. Et depuis quelques années, vous coordonnez les hors-séries polars à l'occasion du festival Quai du Polar à Lyon. Vous y serez cette année aussi? J'y serai, accompagné par quelques membres de l'équipe de Marianne et avec entre les mains notre dernière production, notre nouveau hors-série, dont certaines thématiques reprendront celles de Quai du Polar. Ah bah, il n'y a pas de femme hein, dans votre hors-série, Alain Léautier. Premier reproche, puisque nous, on a décidé de parler de la place des femmes dans le polar, qu'elles soient héroïnes de polar ou auteurs de polar. Alors, est-ce qu'il existe d'ailleurs pour vous, Alain Léautier, un polar féminin, typiquement féminin? Alors, les femmes sont dans notre hors-série, mais on a évité le piège journée du 8 mars et on a évité la rubrique spécifique. Parce qu'en réalité, les femmes sont dans le polar, comme elles sont dans le reste de la littérature. Elles y occupent pleinement leur place, avec des profils extrêmement différents, des écritures différentes. Certaines se revendiquent d'une écriture féminine du polar. Elles sont peu nombreuses. La plupart se revendiquent surtout écrivains de genre et construisent leur spécificité dans le texte, comme tout autre auteur. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une réponse diplomatique. Mais diriez-vous, vous, Alain Léautier, vous qui êtes lecteur, grand dévoreur de polar, que lorsque vous lisez un polar écrit par une femme, par exemple, vous vous rendez compte tout de suite? Non, je m'en rends pas compte tout de suite. Je m'en rends compte quand certains auteurs, que je ne les nommerai pas, parce qu'effectivement, la diplomatie n'est pas l'art le plus à négliger, mais je me rends compte effectivement quand certains auteurs féminins poussent un peu trop loin ce qu'on pourrait caractériser comme une écriture féminine. Je pense à deux, trois auteurs qui ne sont pas d'ailleurs sans talent et que j'ai eu l'occasion de chroniquer, mais sur des thématiques qu'on pourrait supposer être relevant plus de l'apanage d'une sensibilité féminine, le sort des femmes en particulier, dans telle ou telle circonstance, telle ou telle époque historique, et qui s'accompagne éventuellement de notations ou d'une écriture. Ça vous gêne? Ça ne me gêne pas, ça ne me convainc pas toujours. Mais par ailleurs, il y a un nombre important d'auteurs féminins dont je ne relève pas, a priori, si ce n'est que j'en ai la connaissance, effectivement, a priori, dont je ne relève pas une spécificité féminine. Vous savez, le débat sur l'écriture féminine, il est à peu près aussi vieux que la littérature, en tout cas que la littérature moderne, celle qui naît avec le roman. Et je crois qu'on n'en a pas fini. Il agite, à vrai dire, assez peu le polar. En tout cas, il agite moins le polar peut-être que les débats de rigueur que vous connaissez aussi bien que moi sur y a-t-il ou pas une écriture féminine, une littérature féminine. Par contre, ce qui est clair et net, c'est qu'il y a de très nombreux auteurs féminins dans le polar français, mais également dans le polar étranger. Énormément de quelques-uns des grands auteurs nordiques, puisque le polar, on l'avait évoqué l'année dernière, le polar nordique occupe aujourd'hui une place importante dans la production mondiale de genre. Il y a énormément d'auteurs féminins. Celle qui occupe aujourd'hui une des toutes premières places en Suède, Camilla Läckberg. Voilà un exemple. Mais est-ce que son écriture est féminine, masculine? Hélas, elle est plutôt pas très bonne. Voilà un jugement, puisque vous en vouliez un. Alors, qu'en est-il pour le polar québécois, puisque vous avez décidé de consacrer un focus à ce genre dans cette province, jolie province française? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs de polar au Québec? Non, il n'y a pas encore une abondance comparable à celle du grand voisin américain ou celle de la lointaine province française. Non, mais alors, ce qui est intéressant, d'abord, précisons qu'on on a consacré ce focus dans le sillage de Quai du Polar, qui cette année a invité plusieurs auteurs québécois. Et c'est vrai qu'il y a un dynamisme certain depuis quelques années. Un dynamisme et une parité, pardonnez-moi si j'insiste. Ou... Alors, une quasi-parité. En même temps, nos amis québécois, qui sont un petit peu influencés par le politiquement correct américain, mais ont quand même leur nature propre, je crois, ne tiennent pas une comptabilité rigoureuse de cette parité. Non, ce qui est surtout intéressant, c'est l'enjeu du polar québécois, c'est comment, quand on est frontière du pays qui reste bon an mal an quand même le centre mondial de la littérature de genre, comment créer sa propre spécificité, voilà, c'est ça qui est assez passionnant. Et il y a certains auteurs québécois qui ne renient pas, bien au contraire, et reconnaissent l'influence du grand cousin, du grand voisin plus exactement, puisque les cousins, c'est nous, petits Français. Certains auteurs québécois admettent, reconnaissent cette grosse influence de la littérature américaine. D'autres, au contraire, pensent qu'ils doivent créer leur propre monde, leur propre univers, s'ancrer dans le territoire, être au plus près de ville et village. Je reprends une expression qu'un des auteurs québécois les plus connus, Patrick Sénécal, emploie dans le reportage que nous lui avons consacré. Être dans les villes et les villages spécifiques où les gens se reconnaissent et s'identifient. Il y a aussi tout un dossier pour marquer les 30 ans de Rivage Noir, donc priorité aussi aux éditeurs en France. Eh bien, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à deux années successives, un des grands événements des Quais du Polar aura été un événement éditorial, puisque on y fêtait l'année dernière les 50 ans de la série noire et qu'on y célébrera autour de François Guérif cette année les 30 ans de Rivage, dont le destin est un petit peu lié d'une certaine manière à la série noire, puisque François Guérif le reconnaît volontiers. Il s'est sinon constitué après un parcours qui était déjà un petit peu important dans l'édition, et d'ailleurs de son point de vue pas toujours réussi, enfin du côté des éditeurs précédents, mais c'est vrai que Rivage est un peu constitué contre la série noire, en tout cas contre un certain mode de travail de la série noire. Ce qu'a fait Guérif, c'était de prolonger le travail de découvreur que la série noire a longtemps exercé avec pleinement. Le talent de Marcel Duhamel, la découverte des grands auteurs américains qui, à cette époque-là, enfin en tout cas à l'époque de Marcel Duhamel, étaient à peu près ignorés ou méprisés dans leur propre pays, et dont la série noire a fait des auteurs à part entière. Guérif, qui est fou de littérature anglo-saxonne, son auteur préféré c'est Faulkner, c'est le mien aussi, ça tombe bien, même si j'ai pas le talent et la carrière de François Guérif. Guérif voulait absolument donner cette empreinte anglo-saxonne et américaine à son travail d'éditeur à Rivage. Mais il considérait, il s'en est plusieurs fois expliqué publiquement, que la série noire, à partir d'un certain moment, et même un peu tout au long de son existence, avait un peu maltraité ses auteurs. Maltraité au niveau des textes, maltraité au niveau des traductions, maltraité peut-être dans le rapport général que la série noire avait avec ses auteurs. C'est le point de vue de Guérif, pas forcément le mien, mais voilà. Et Guérif nous explique ça assez longuement dans l'entretien, franchement assez passionnant, qu'il nous a accordé. Revient effectivement sur ses traductions foutraques, revient sur l'opportunité qu'il a eu de racheter des inédits de Jim Thompson, grand auteur emblématique de la littérature de genre, que la série noire avait théoriquement en main mais n'avait abandonné. Guérif en a racheté les inédits, et puis pas grand-chose à l'époque, ça serait peut-être plus compliqué aujourd'hui, a revu les traductions et s'est lancé dans un travail assez exceptionnel de découverte de talent, puisque Rivage, en France en tout cas, c'est des gens aussi importants que James Ellroy, Denis Lian, Edward Bunker, Daniel Woodrell, en tout cas à l'époque où il était à la série noire, puisque récemment il est allé faire un petit pas de côté chez un autre éditeur et il n'en est pas forcément satisfait. C'est en tout cas ce que nous explique François Guérif. Voilà, Guérif a accompli un travail assez considérable sur ces 30 années, très marqué par la littérature effectivement nord-américaine, mais il a été également le découvreur d'auteurs français qui comptent aujourd'hui, qui occupent l'espace de la littérature de genre, comme par exemple Pascal Dessin, C'est un des plus emblématiques, mais également Jean-Hugo Pell, Hugues Pagan, toute une génération qui a aujourd'hui entre 40 et un peu plus de 50 ans et qui sont des auteurs à des titres divers assez importants. Et pour terminer, Alain Léautier, vous êtes venu avec votre polar coup de cœur. Ce n'est pas édité chez Rivage Noir et ce n'est pas un polar québécois. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est édité dans une autre excellente maison, plus récente et plus modeste pour l'instant, mais on lui souhaite de grossir aussi loin et aussi fort que Rivage, chez Métellier, la maison d'Anne-Marie Métellier, et qui publie le nouveau livre, en tout cas en France, puisqu'il a été édité publié au début de l'année, de Giancarlo de Cataldo, qui est un juge et également de plus en plus un écrivain italien, cette fois en collaboration avec un journaliste de La Repubblica, Carlo Bonini. Ça s'appelle Subura, et c'est une suite à 20 ans de distance, en tout cas dans la fiction, un livre qui a fait connaître Giancarlo de Cataldo dans le monde entier, qui s'appelait Romanzo Criminale, et qui est une sorte de plongée dans Romanzo Criminale, c'était dans l'histoire mafieuse de l'Italie, plus particulièrement de Rome, dans les années 70 à les années 80, ce qui était un peu les années de plomb en Italie, des années marquées par des liens troubles entre voyous issus de l'extrême droite, cette fameuse Banda della Magliana, loge P2, qui était une loge proche de l'extrême droite également, le Vatican, avec la fameuse Banque du Vatican, et toute une période à la fois de dérives militaristes de l'extrême gauche et d'attentats féroces de l'extrême droite, notamment un qui est resté très célèbre, l'attentat à la gare de Bologne en 1980, dans lequel cette bande de la Magliana était plus ou moins impliquée. 20 ans après, Cataldo a voulu écrire une suite. La bande de la Magliana, donc, a existé dans la réalité. Elle existe aussi très fortement dans la fiction que lui avait consacrée Cataldo. La bande de la Magliana a disparu. Il a voulu écrire une suite sur les réalités mafieuses aujourd'hui à Rome, qui sont assez différentes, qui sont en apparence moins violentes, mais peut-être encore plus tentaculaires. Et c'est un livre, c'est une sorte de livre d'anticipation, puisqu'il est sorti en 2013 en Italie. Et un an après, la plupart des événements et des personnages qui sont évoqués dans ce livre, bien se sont pour certains notamment retrouvés dans la réalité, dans un énorme procès qui a débuté à Rome au mois de novembre et qui va durer jusqu'au mois de juillet prochain, qui s'appelle Mafia Capitale. C'est un livre dans la tradition du roman de gangster de Burnett, qui dès 1929 crée le personnage du petit César. C'est un roman de gangster classique, très nerveux, mais qui est assez fascinant par le miroir permanent qu'il offre entre fiction et réalité. Alors des fois, certains pensent qu'il faut être assez loin du réel pour faire véritablement de la littérature. Là, on est dans effectivement une littérature très proche du réel, mais qui conserve néanmoins une force d'impact et d'émotion très très forte, notamment du fait que, et la traduction en rend relativement bien compte, notre ami Cataldo use de toutes les expressions de la langue romaine, du dialecte romain, et qui sont une véritable merveille et une source de bonheur absolu. Alain Léautier, merci d'être passé ce matin. On se retrouve demain, quant à nous, pour continuer notre série en compagnie d'Hélène Amalric, une série consacrée aux femmes fondues au noir. Bonne matinée sur France Culture, à demain. What's the matter? Mr. Slade came here the night of the other murder. Don't you remember what happened? And all he had with him was a little black bag.